Je comprends et c'est complètement normal que tout le monde soit pour Thiago, enfin du moins ici, et qu'ils m'encouragent moins ou qu'ils ne m'encouragent pas à la limite, mais de là à me siffler, voilà, c'est une ambiance de foot qui est malheureusement on voit trop souvent et là c'est la première fois qu'on voit ça en athlée, quoi. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça c'est quand Jesse Owens a couru en 1936, quoi. L'acteur d'Intouchable détrône l'incontournable Jean-Jacques Goldman pour dominer le classement 2016 des personnalités préférées des Français. Dans l'association qu'on a avec lui qui est Olivier, quand on fait des films comme Samba ou Intouchable, c'est l'idée de réunir les gens même s'ils sont très différents. C'est d'ouvrir les dialogues. Yamaneo. Installé à Los Angeles depuis 2012, celui qui a quitté la France mais que la France n'a pas quitté, comme il aime le dire, fait consensus parmi les nègres de gauche, hommes ou femmes, un plébiscite qui atteste d'une volonté de vivre ensemble. Bonjour, bienvenue sur notre émission hebdomadaire « Démocratie participative ». Épisode numéro 9 de cette première saison. Et pour commencer, je vais déjà vous inviter à nous contacter si vous le souhaitez sur notre adresse email, démocratie participative en un seul tenant, pas de tiret entre les deux termes, @mail.ru, démocratie participative, @mail.ru, et pas d'accent sur démocratie. Vous pouvez bien sûr nous contacter et nous suivre par notre page Facebook qui s'intitule aussi Démocratie Participative, évidemment. Et vous pouvez nous envoyer des messages privés par cette page, je vous invite à le faire. Et aussi, n'hésitez pas, alors ça c'est un appel à ceux qui nous suivent, vous êtes progressivement un petit peu plus chaque semaine, je vous invite à diffuser auprès de vos amis notre émission, ainsi que notre chaîne YouTube. Ça, c'est important parce qu'évidemment ça démultiplie l'audience et puis comme ça progressivement eh bien on est de plus en plus nombreux et je crois que c'est un peu l'objectif. Alors cette semaine on a un certain nombre d'intervenants, vous les connaissez peut-être, on a MacDav, comment vas-tu MacDav? Salut tout le monde, ça va très très bien. On a Gringoy, salut Gringoy. Salut les amis, salut Gandalf. Gérardus, comment vas-tu? Salut tout le monde. Fulbert de Belgique. Fulbert se porte bien, merci, bonjour. Hopman America, Captain America, comment vas-tu Captain? Ben ma foi, ça va très bien, je te remercie Gandalf et bonjour à tous. Et Popovic. Ben shalom aleikum à tout le monde, salut les frères. Et Derek. Salut tout le monde, salut. Alors, comment dirais-je, avant de commencer, je vais simplement dire que parmi les sujets qui sont traités cette semaine, le sujet principal, ça va être le français de la semaine, hein, le français de l'année, ou du semestre, c'est par semestre, le français le plus populaire de ce semestre 2016, et c'est Omar Sy, hein, donc ça va être le sujet de cette deuxième partie. Et bon, on va commencer avec notre première rubrique, autisme radical. Alors, autisme radical, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait, on va dire, parmi l'actualité, les propositions les plus délirantes qu'on puisse relever dans la presse. Et je vais commencer avec celle qui a retenu notre attention. C'est l'anecdote que je vais vous donner tout de suite. C'est un ministre socialiste allemand qui a comparé la burqa et le costume du Père Noël. Alors voici, donc c'est quelqu'un qui, c'est un élu très important en Allemagne, qui a dit la chose suivante. Personnellement, je refuse la burqa. Elle est le signe d'un défaut d'intégration. Donc jusque-là, ça commence, on va dire, assez bien. Et il enchaîne, mais elle ne signifie pas moins de sécurité. Celui qui refuse la burqa, il doit, si l'on poursuit simplement le raisonnement, également interdire dans la foulée que les gens se déguisent en Père Noël. Cela ne contribue pas à la sécurité intérieure, cela ne fait qu'ajouter à l'inquiétude des gens. Donc en fait, cet élu socialiste très important, hein, je le dis, en Allemagne, a expliqué en somme que oui, la burqa, c'est un défaut d'intégration, mais enfin, bon, quand même, si on se met à interdire certaines tenues vestimentaires, pourquoi ne pas interdire la tenue du Père Noël? Ça n'apportera aucune solution à la question de la sécurité. Je ne suis pas sûr que ce soit le thème vraiment central, la sécurité, par rapport à ça, mais... Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette analogie curieuse? Moi, je pense qu'il faut apporter une précision importante, c'est que j'ai vu ce fait divers et apparemment, c'était pas juste le Père Noël, c'était un costume de Saint Nicolas. Et en fait, Saint Nicolas, il faut savoir que c'est la version chrétienne, traditionnelle, européenne, germanique en l'occurrence, parce que c'est fêté dans les pays germaniques, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, même dans l'Est de la France, et que bah, c'est aussi une figure chrétienne, traditionnelle, européenne en fait. C'est pas, tu vois, donc c'est un, je oui, pense oui, que c'est une précision dire, importante. Déjà, et du coup, dire, ça permet de comprendre le discours de ce député allemand, en fait. C'est amusant aussi, c'est de constater qu'il parle d'intégration pour la burqa, mais pour ceux qui s'agissent du Père Noël ou de Saint-Nicolas plutôt, là, il s'agit de désintégration. C'est ça. C'est un discours qui est contraire. C'est un discours relativiste, en fait. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan une tradition germanique, ancestrale, oui, malgré tout, assez ancienne, le port de la burqa. Oui, puisque tout se vaut. De toute façon, après, ils vont pouvoir pousser l'absurdité aussi à dire la même chose des skieurs qui ont un masque et une cagoule pour pas, parce qu'il fait moins 30 en altitude. Ils vont pouvoir dire la même chose aussi des mecs du BTP, tu sais, qui ont les marteaux piqueurs, là, qui se protègent, dont tu vois pas la gueule. C'est, si tout se vaut, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie faite entre des burqas qui sont issus d'un islam qui nous a déclaré la guerre, l'islam d'Arabie Saoudite, là, qui s'est répandu sur tout le Maghreb et tout, qui nous déclare la guerre, qui sème des attentats aux quatre coins de l'Europe, et un truc qui couvre le visage, bah, ils pourront pousser l'absurdité très très loin, quoi. Et puis nous rétorquer des petits sophismes de merde comme ça. Comme quoi, oui, mais alors, un skieur, tu n'as pas peur pour ta sécurité? Ben non, parce qu'il est dans les montagnes à 3000 mètres d'altitude, a priori, c'est sûr qu'il peut avoir, c'est sûr que bon. Ouais, c'est surtout qu'on a, on a jamais vu encore de mec déguisé en Saint-Nicolas ou en Père Noël sortir une calache ou cacher des objets dangereux dans son outfit, que dans son costume. Alors que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en Angleterre, il y avait plus qu'un suspect, le mec qui avait commis des attaques et qui justement s'était évadé, enfin pas évadé de la détention, mais était parti, avait réussi à s'échapper, justement en se déguisant et en prenant une burqa. Alors, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a un petit peu le même degré d'autisme et de relativisme culturel avec le débat sur le burkini, tu vois. C'est-à-dire qu'on pense que le débat tourne autour de la longueur du tissu. Et les oui. femmes voilées et les gauchistes te disent oui, mais on peut pas interdire le burkini parce que rien n'interdit à n'importe qui de venir sur la plage avec une tenue de plage. Et le débat, c'est pas un débat textile. Il va falloir que les gauchistes se foutent ça dans le crâne. Oui, c'est-à-dire que c'est eux qui établissent qui font dévier le débat vers le relativisme culturel et ensuite ils s'interrogent. En disant, bah, c'est oui, mais enfin, ils se plaignent du relativisme, c'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, bon, écoutez, voilà, telle tenue plutôt que telle autre, pourquoi pas, etc. Ah oui, mais vous avez vu, c'est un débat sur le vêtement, donc du coup, on peut trop rien faire, vous voyez. C'est vraiment vice-là. Pour revenir à ce que disait Captain America, alors d'après les témoignages, notamment du chanteur du groupe qui était présent au Bataclan, donc les Eagles of Death Metal, j'ai oublié le nom du chanteur, hein, si quelqu'un Jesse Hughes. D'accord, Jesse Hughes. D'après lui, mais d'après d'autres témoins aussi, il y avait une fille qui était en burqa qui a quitté les lieux, hein, et qui aurait fait passer des trucs. Hein. Elles n'ont pas été fouillées à l'entrée, etc. Parce que d'ailleurs, le personnel qui fouille à l'entrée était maghrébin. Enfin, maghrébin et musulman, quoi. Donc, de toute façon, cette histoire de burqa utilisée pour faire passer des, comment dirais-je, du matériel ou autre, ça s'est avéré. Et c'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est le costume des gens qui nous ont déclaré la guerre. Parce qu'après, on va même pas parler, il s'agit même pas de parler de tout l'islam ou quoi, mais ceux-là, là, c'est les gens en burqa qui viennent du, c'est tous ceux que tu retrouves dans tous les reportages de mecs infiltrés chez Daesh et tout, c'est que des terroristes en burqa, en fait. C'est que ça, quoi. Elles ont toute la burqa, elles ont des kalachnikovs. Bon, en France, elles peuvent pas porter les kalachnikovs, donc elles portent juste des renseignements, des lettres, machin. Elles servent, mais ce sont des islamistes, quoi. Les gens sont complètement malades. Oui, d'ailleurs, j'ai lu des espèces d'enquêtes comme ça, faites par des journalistes, bon, qui étaient quand même assez sérieuses, on va dire, sur le fond, parce que c'était, ils remontaient en fait l'histoire de certains djihadistes qui ont commis des attentats, que ce soit à Paris ou ailleurs. Mais là, je crois que ça concernait Paris, et c'était bien expliqué que quand les gars arrivaient de Syrie, en fait, bon, vous savez comment ça marche, qu'il y a des cellules de gens qui les attendent, etc. Et on leur donne des messages, et les gens qui donnent les messages, en fait, sont des femmes. Et des femmes, alors pas en burqa, parce que la burqa, c'est ce qui recouvre tout le visage, mais en tout cas, je crois que c'est en hijab, je crois, hein, c'est le voile presque intégral, ça couvre pas le visage, mais ça couvre tout le reste du corps. Donc, on voit bien que, contrairement à ce que dit ce représentant politique allemand, non seulement il y a une question culturelle qui se pose, mais il y a aussi une question sécuritaire. Hein, c'est évident. C'est-à-dire que personne n'ose les fouiller, parce que, comme vous savez, on a peur de déclencher un tollé, parce que quand on touche ces femmes-là, aussitôt elles se mettent à crier, il y a une hystérie, s'il est pour peu qu'il y en a deux ou trois autour, tout d'un coup il y a des grappes de maghrébins ou d'arabes hystériques qui se mettent à hurler avec, et ils en jouent, et voilà. Donc, bon. Mais enfin bon, il y a même un problème de délinquance avec ça, parce qu'il faut savoir qu'elles s'en servent pour faucher dans les magasins. Hein. Moi j'ai vu plusieurs vidéos où ils se sont fait gauler. Je pense que comme les sweatshirts à capuche qui avaient été interdits en Angleterre à cause des agressions, parce que les mecs s'en servaient pour cacher leur visage, il faudrait aussi interdire les burkas aussi pour des raisons de délinquance. Non, hein. C'est déjà interdit, hein, sauf que la loi n'est pas appliquée. Hein, c'est comme. Je m'en fous de la loi si c'est pas appliqué. Bah, en réalité, la burqa, le problème, c'est pas tant la burqa que le... Non, mais, oui, c'est le visage. Parce que même en France, il y en a relativement peu, mais bon, derrière, en fait, toutes les bonnes femmes qui portaient le burqa, elles se mettent à porter le hijab. Donc, en fait, le problème n'est pas résolu. Le vrai problème, c'est tout simplement l'islamisation massive de la France. Ça reste quand même que les Noirs et les Arabes soient chrétiens, ça me fout un petit peu. Quoi. Non, mais d'accord, mais enfin, là, sur cette affaire très précise, c'est clair qu'il y a une incohérence, quoi. Alors, mais pour revenir en tout cas, un petit peu. Gandalf, juste un truc, moi je veux garantir à ce petit politicien allemand là qu'on n'est pas des racistes et que le jour où. Enfin, si, on est des racistes, mais le jour où il y aura 15 Pères Noël qui feront un attentat, on se posera la question d'interdire les Pères Noël, je lui garantis. Ou alors c'est peut-être simplement parce que le Père Noël il porte une longue barbe. Fais attention, tu vas donner des idées aux musulmans. Non, mais pour revenir sur le cas de ce politicien allemand, là, faut clairement. Moi, je commence à en avoir marre de ce genre de discours, de faire cette comparaison stupide entre ce vêtement communautaire qui est associé à une idéologie qui nous fait la guerre, comme l'a dit Asterix, et de l'autre, un faux costume d'un personnage folklorique. Comparaison complètement débile. Quand ils font ça, vraiment, il y en a ras-le-bol. Oui, parce qu'on parle de la vie des gens, parce que là, il y a vraiment des conséquences en termes de sécurité publique, quoi, c'est tout à fait évident. Alors, ils sont en train de faire du sophisme. Désolé, il faut passer au deuxième sujet, messieurs. Suède. Ça, c'est le deuxième point de l'autisme radical de cette semaine. Un expert affirme que les migrants violent à cause de l'été chaud et favorable. Alors, je cite un élément de la presse qui nous en dit un petit peu plus. Björg Svensson, un psychothérapeute et un expert en criminalité sexuelle, a été interviewé récemment dans l'un des plus grands journaux suédois sur l'épidémie de viol dans le pays, donc en Suède. Hein. Sa conclusion, le bon et chaud temps de l'été est responsable de l'épidémie de viol commis par les migrants d'origine orientale. Un petit commentaire là-dessus ? La Suède ne nous déçoit jamais en termes d'autisme radical. Ouais, en fait, c'est très marrant parce que tous ces gens-là, ces anti-blancs, ces élites, ces psychologues, ces politiciens et compagnie, se targuent toujours d'être, tu sais, antiracistes, d'aimer les noirs, les arabes, les ci, les ça. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là, ils considèrent que tous ces extra-européens sont des animaux, en fait. Ils sont toujours en train de trouver des excuses à ces gens-là. Parce qu'en fait, le concept de responsabilité, c'est quelque chose que l'on applique uniquement aux êtres humains. C'est-à-dire, on ne rend pas, par exemple, responsable un requin d'être un requin. Mais ces gens-là, ils sont toujours en train d'essayer de trouver des raisons et de déresponsabiliser tous ces extra-européens. À un moment, j'ai envie de dire, s'il y a des antiracistes qui, un jour, ou des pseudo-antifascistes qui nous écoutent, essayez d'appliquer véritablement ce que vous prenez et considérez ces gens-là comme des êtres humains, et vous verrez que finalement, vous allez les trouver responsables. Parce que c'est pas la chaleur, ou c'est pas la colonisation, ou c'est pas quoi que ce soit d'autre qui fait que quelqu'un viole. Voilà, bref. Moi, je sais quand même que le mec, quand même, est expert en criminel sexuel. Alors, en Suède, ouais, il a pas remarqué que, il a pas remarqué que les criminels sexuels en Suède, c'était quand même beaucoup des Somaliens, ce genre de Mais c'est population-là, quoi. C'est exclusivement. bizarre. Alors, C'est attendez, bizarre. attendez, C'est justement pas là. beaucoup des mecs. C'est exclusivement puisque, excuse-moi, Gandalf, je précise juste un tout petit truc sur ces pays que je connais pas mal. Les pays nordiques ne connaissaient aucun viol. Zéro. 0,0000 avant l'arrivée des immigrés. Donc c'est vraiment pour eux, c'est un incroyable changement, quoi. La grande question, c'est de savoir si le chef de guerre de Cologne avait mis le chauffage trop fort le soir du 31, le soir du 31 décembre, pardon. Je voulais ajouter, il y a quand même aussi tout un pan de la mystique marxiste qui fait de ces gens-là des victimes et des blancs des oppresseurs. Et forcément, puisqu'ils sont victimes, ils sont aussi forcément innocents. Ils n'arrivent pas à concevoir que ces gens-là puissent être coupables, quoi. Ils les exonèrent de tout. Alors, évidemment, à partir de là, on part dans tous les sens. Ouais, c'est le temps, il fait trop chaud, c'est ceci, c'est cela. Mais ça, c'est comment dire, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça va nous amener sur un petit truc un peu plus philosophique. Mais ça rejoint ce que disait Captain America. Captain America, il disait très bien, bah oui, normalement, les gens sont, enfin, en toute logique, les êtres humains sont responsables de leurs actes et doivent donc pouvoir en répondre. Toi, tu dis à juste titre que les marxistes, enfin en tout cas les gauchistes, au contraire, disent que, enfin, ils acceptent bien l'idée de la culpabilité, de la responsabilité, mais eux partent du principe que les blancs sont les seuls coupables et que les halogènes, les basanés sont forcément innocents. Et là, on arrive dans un truc qui est complètement contradictoire, c'est-à-dire qu'on arrive dans un déterminisme. C'est-à-dire qu'en fait, on revient dans des logiques essentialistes que d'aucuns appelleraient réactionnaires ou racistes, essentialistes, parce que du coup, c'est le milieu, donc le milieu, là, pour le coup, littéralement climatique, qui conditionne les réactions humaines, ce qui quand même est assez étonnant de la part de gens qui philosophiquement étaient assez opposés à ce genre de théorie, hein, comme quoi l'humanité serait façonnée par son milieu, un petit peu à l'image des espèces animales. Donc, vous voyez, c'est marrant en fait comment le gauchisme réamène le débat public vers des théories d'extrême droite, en fait. C'est Ouais, assez drôle. quand ils nous disent ça, le vieux gauchias suédois, il faut lui dire, ah d'accord, alors mais je viens de comprendre, c'est pour ça alors qu'il y a autant de viols en Afrique qui se violent tous les uns les autres entre frères et sœurs et tout ça. D'accord, c'est la chaleur. Merci pour l'explication. Bon, ça Non c'était mais en donc fait la. c'est pas faux. C'est-à-dire que le taux de testostérone des populations africaines et arabo-maghrébiques est largement supérieur à celui des Européens. Et encore plus supérieur à celui des populations asiatiques, hein. Ah Donc, oui, il y c'est a une vrai. part de D'accord, vérité mais dans ces ça, affaires. pour les hormones, on ne sait pas si c'est forcément lié enfin, au climat. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si, ben, là, on ne sait pas exactement sa théorie parce qu'il parle du climat, mais est-ce que ça veut dire que les Suédois, eux, ne violent pas en raison du climat donc, ils auraient hérité de quelque chose. Enfin, tu rentres dans des débats déterministes. Peu importe après les conclusions, tu es dans un débat déterministe, ce qui est à l'opposé complètement de la philosophie Oui, progressiste. attends, c'est Ben, oui et non. exceptionnel, hein. C'est Parce que de toute vraiment façon, le. exceptionnel. Parce que la plupart, le discours ambiant qui traîne sur les pauvres migrants qui sont des victimes et des, on va dire, des gens qui vivent dans une certaine misère sexuelle, c'est que tout ça s'est construit, en fait, hein. C'est que le méchant Occident les a coupés de leurs femmes, hein. Et c'est aux Ah blanches. oui, j'avais oublié ça. J'avais complètement zappé ça, ce truc. Mais en fin de compte, l'antiracisme est profondément raciste. Alors, je précise oui, ma pensée. Négatif, dans le sens où même en France, la logique antiraciste, ça repose systématiquement sur l'idée qu'il y aurait un blanc oppresseur qui serait par nature un monstre et qui doit par nature combattre cet instinct monstrueux. Et de l'autre côté, des populations par nature soumises, victimes et opprimées, qui et sont libérées du joug monstrueux des blancs, en fait. Donc ça repose sur un schéma assez racialiste, en fin de compte. Mais c'est Rousseau, c'est-à-dire que Attendez, il faut bien noter que c'est jamais énoncé dans ces termes. Mais c'est ce qui ressort du discours. Ça, c'est un peu l'envers, l'inconscient du discours qui nous est proposé aujourd'hui. C'est jamais dit clairement. Par contre, les Turcs, eux, ils l'ont exprimé clairement. Parce que, à l'aéroport d'Istanbul, un journal turc, Younes, a affiché à plusieurs endroits une banderole où l'on peut lire « Travel warning, do you know that Sweden has the highest rate worldwide ?» Ce qui veut dire, avertissement aux voyageurs, grosso modo, il faut savoir, savez-vous que la Suède a le plus haut taux de viol dans le monde. Ça donne une petite idée de la situation. Naturellement, les Turcs oublient de préciser que le taux de viol est principalement maintenu par les migrants. Par les Turcs eux-mêmes. Non, je plaisante, peut-être pas les Turcs. Les Somaliens qui... Parce qu'il faut savoir que le choc des cultures là-bas est encore plus énorme que dans les pays latins, puisque dans les pays latins, les femmes... n'ont eu accès à l'alcool que depuis ces derniers temps là, avec le binge drinking et tout ça, la folie estudiantine. Mais sinon, les femmes ne buvaient pas trop dans les pays latins. Tandis que là-bas, ce sont des pochtrodes. Hein. Clairement, les femmes, tant qu'elles ne sont pas mariées, puis elles ont un rapport à la virginité qui est nul. C'est-à-dire cette espèce de comment dire, de sacralisation de la virginité qu'il y a dans les pays latins n'existe pas du tout là-bas. Même, j'ai l'impression que même les hommes s'en foutent. D'ailleurs, une vierge ou pas vierge chez eux, c'est quelque chose qui ne détermine pas, qui ne détermine rien, quoi. Ils ont un rapport au corps très, très, très décomplexé, très païen à ce niveau-là. Donc, en fait, tu as de la viande saoule, blond, avec des cheveux blonds qui arrivent jusqu'aux fesses, les filles du Nord sont très belles, hein, je sais pas, enfin, on n'est pas forcément tous fans, mais les filles du Nord sont des belles femmes, hein, elles sont grandes, il y a très très peu d'obèses, de froid, ça empêche l'obésité, je pense, enfin, il y a plusieurs raisons qui doivent expliquer ça, mais en tout cas, il y a très peu de grosses, et puis elles arrivent à 2h du matin, complètement saoules, elles rentrent chez elles, et là, elles croisent 3 Somaliens, vous pensez bien, voilà, c'est inéluctable. Quoi. Ouais, donc, selon toi, c'est la Suédoise qui est responsable. Ah non, non, non. Non, non, en fait, c'est-à-dire que ce sont des proies qui ne savent pas qu'elles sont en milieu hostile. Elles n'ont pas intégré le fait qu'elles sont en milieu hostile. Et qu'il y a des prédateurs, c'est ça le truc, en fait. Mais voilà, ça c'est... Voilà, donc bon, bah voilà, je pense qu'on aura évidemment l'occasion de reparler de la Suède, mais c'est intéressant à relever. Et ce que je voulais simplement relever aussi, c'est que, comment dirais-je, les Turcs sont frileux. Pourquoi ils sont frileux en parlant de la Suède? C'est parce que les kebabs sont connus pour ne pas particulièrement apprécier qu'on touche à leurs femmes, qui sont leurs propriétés, n'est-ce pas, personnelles, ce que je peux comprendre, attention, hein. Mais autant ils aiment bien violer les femmes des autres, autant ils n'aiment pas tellement qu'on tourne autour des leurs, de leurs sœurs, etc. Et donc, on voit bien que, je veux dire, eux, très rapidement, ils intègrent le principe d'hostilité. Hein. Je crois que c'est clair. Alors, donc ça, c'était pour notre rubrique autisme radical. Alors, deuxième rubrique de cette première partie d'émission, miracle du socialisme. Alors là, on change, on quitte les latitudes froides et blondes de la Suède pour aller dans un pays très chaud, le Venezuela. Hein. On entend déjà les singes en fond, un bruit de fond. Voilà, exactement. Et alors, ça, c'est la nouvelle de la semaine. Hein. Peut-être la rubrique économie, en fait. Alors, au Venezuela, il y a si peu de nourriture disponible que l'on commence à manger les animaux des zoos. Alors, je cite la presse. Hein. Alors, il y a une photo qui a tourné. C'est la photo d'un lion affamé dans un zoo du Venezuela. et qui a fait le tour du monde. Et il a rappelé que le pays, en fait, malgré toutes ses ressources pétrolières, a de plus en plus faim, hein, tombe pratiquement dans la famine. La crise alimentaire, je cite la presse, est si aiguë que dans les eaux, on dénombrait déjà 50 animaux morts de faim. Des félins sont parfois nourris de courges et de mangues, faute de budget. Par ailleurs, les animaux, dont un éléphant et un cheval, ont été abattus pour leur viande. Quant à un bison de zoo de Caracas, une photo sur Twitter le montre déjà entouré de charognards. Alors ça, c'est donc le Venezuela d'Hugo Chavez et de son successeur Maduro. Hein, Venezuela, qui est un pays riche en ressources pétrolières et gazières. Et puis alors visiblement, là, le miracle du socialisme bolivarien s'essouffle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, les gens qui vont bouffer, qui vont bouffer les animaux dans les eaux? Moi, je pense que c'est la faute des États-Unis, très clairement. C'était qui ce slogan déjà, rappelle-moi? Balance au rôle. Réconciliation. Ah, non, mais moi, je voudrais féliciter le gouvernement Chavez, parce que on sait très bien qu'au Venezuela, il y a eu malheureusement une crise du papier cul organisée par les américano-sionistes. Et grâce à cette crise alimentaire, bah, il y a plus de problème de PQ, quoi. Ah bah oui, mais, effectivement. Bon, ouais. Moi, c'est une situation que je connais pas très bien, mais puisque là, vous allez tous aller dans le même sens, vous avez bien raison, il y a de quoi bien rigoler sur le Venezuela. Mais faut quand même le dire, parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent ça sur la fin de l'Allemagne, à la fin de la guerre. C'est vrai que les pays, quand même, quand ils sont attaqués par les États-Unis, globalement, leur situation est rarement folichonne. Hein. Et bon, même la Russie de Poutine, Ils ne sont pas attaqués par les États-Unis, ils finissent la merde tout seuls. Gringo, le Venezuela n'est pas attaqué, hein, c'est sûr, il n'y a pas de guerre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois qu'un des premiers acheteurs de pétrole vénézuélien, c'est les États-Unis. Alors, que font-ils de la manne pétrolière? C'est vrai qu'en ce moment, le pétrole n'est pas élevé. Bon, peut-être qu'ils pourraient faire autre chose, hein, que d'être là à attendre que le pognon tombe. Voilà. Hein, donc là, ils bouffent les animaux du zoo. Ils vont faire leur course en Colombie, tiens, en Colombie qui est un pays qui est quand même passablement à droite, hein, où ça marche, semble-t-il, plutôt mieux. Hasard ou réalité scientifique, je ne sais pas. Hein, complot, complot. Ouais, complot libertarien, n'est-ce pas, voilà. J'ai vu aussi un truc dans la même veine, c'est que pour lutter contre les queues en face des magasins, maintenant, le gouvernement a décidé de mettre des amendes à toute personne qui ferait la queue devant les magasins de bouffe. Hein. Ah bah oui, vides. Bah, voilà un bon moyen de régler les problèmes, le socialisme triomphant. Effectivement, bon, croyais qu'il y avait eu quand même des... Ah, excuse-moi, madame. Non, le Venezuela, c'est absolument terrible, parce que les magasins sont vides. On en est au point de remplacer le café par de la farine grillée, alors que le Venezuela c'est un pays richissime, ce sont les premières réserves pétrolières du monde, ça c'est en fait... Mais d'un point de vue agricole, si tu fais pousser n'importe quoi, ça pousse et tu fais 3 récoltes par an. Mais vu que c'est un pays socialiste, ben, c'est le caca. Mais les Vénézuéliens, ils en sont au point, comme je disais, de remplacer le café par de la farine grillée, mais également de remplacer sa viande par des éplucheurs de bananes. C'est pas une blague, hein, ça existe vraiment. De remplacer le fromage laitier par du fromage de riz. C'est le paradis socialiste. Bah, c'est l'État sur le. Faudrait pas voir le Venezuela uniquement sous le prisme économique, parce que le Venezuela, il faut aussi le voir sous le prisme ethnique. Le Venezuela, c'est un pays qui est de multiculturel et quelle culture, quoi. C'est que des affamés. Drogué jusqu'à l'os. Enfin, tout à l'heure, on parlera du Brésil. C'est un socialisme étatique. Les Portugais se sont beaucoup. Est-ce que Gérard, les Portugais se sont beaucoup, installés au Venezuela. En tout cas, les Madérans de la petite île de Madère. Et ils m'en ont rapporté des choses. Caracas, c'est extrêmement violent. Ils se faisaient racketter systématiquement. Là-bas, ils ouvraient des petits commerces, tout ça. Ils se faisaient racketter. Il n'y a pas un seul commerce qui réchappait, pas un seul restaurant qui réchappait. Donc avec du racisme, et à la différence du Brésil, où on a l'impression que c'est du racisme positif, dans le sens où ce sont les Blancs qui tiennent la société, qui sont en haut de la hiérarchie sociale. Là-bas, c'est du racisme inversé, avec des espèces de tarés métis qui tiennent le haut du pavé, quoi, en tout cas par la violence et le racket, quoi. Absolument, oui, non, mais c'est totalement avéré. Alors, ce qui est quand même très drôle, c'est que pendant, je sais pas si vous en rappelez, hein, surtout dans la, en pleine période, j'allais dire anti-bouchiste, etc., il y avait une fascination pour Chavez qui en faisait beaucoup sur la scène internationale contre les États-Unis. Ça n'empêchait pas d'ailleurs de, comment dirais-je, de donner le pétrole qui permettait aux États-Unis d'envoyer leurs navires de guerre bombarder l'Irak, hein, ce que aucun gauchiste n'a jamais relevé. Suivez mon regard. Et bah maintenant, on voit que le modèle qui était intégralement fondé sur la rente pétrolière s'effondre, parce qu'en fait, il n'y a aucun modèle économique. C'est simplement que sans les économies capitalistes au nid du monde blanc, pour pas parler éventuellement de la Chine aussi, du monde asiatique, et ben ces pays de bambou-là ne font strictement rien, n'ont pas d'argent. Et donc le fameux modèle progressiste du socialisme sud-américain, ben c'est du flan. Et donc ben encore un miracle, comment dirais-je, j'allais dire de l'idéologie progressiste qui s'effondre. Hein. Bon, c'est jamais que le énième. Hein. Bon, voilà. Bon, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette première partie, si je veux, deuxième sous-partie, et qui est la troisième rubrique. Et là, on va parler de l'actualité la plus chaude en France, en Corse. Cisco, les événements de Cisco, comment dirais-je, vous avez suivi ça, bien évidemment, hein, Ah pratiquement ben, impossible. personne n'a pu le rater là, je pense. Non, personne n'a pu le rater, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, je rappelle les faits, hein, juste pour nos auditeurs. Alors, l'origine, là, je cite encore une fois la presse. Tout ce que je dis, je l'articule sur la base de coupures de presse, hein, pour être assez précis. L'origine des incidents entre une famille maghrébine et des habitants du village de Cisco dans le Cap Corse samedi, donc samedi il y a une semaine, incombe à l'évidence à des membres de la famille maghrébine précitée. Et ça, c'est le procureur de la République de Bastia, Nicolas Besson, qui l'a affirmé. Je cite toujours le procureur, ils ont voulu, dans une logique de caïda, s'approprier la plage et la privatiser. Il a ajouté ensuite, ils ont multiplié des incidents avec un certain nombre de personnes, jets de pierre, tensions très fortes, insultes, menaces. Ils s'en sont pris à des touristes, ils s'en sont pris à toute une série de personnes très différentes. Est-ce que vous voulez rajouter justement des indications sur en fait, le fil des événements d'abord, hein. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, sur cette plage? Est-ce que quelqu'un m'en parle? oui. Alors, juste une grosse précision, hein. Article de Libération, donc là, qu'on ne peut pas taxer d'extrême droite ou quoi que ce soit, qui rapporte que les Marocains, apparemment, c'était une famille, c'était quatre frères et leur engeance, hein, qui était présent là. Ils avaient carrément mis un panneau à l'entrée de la crique, interdiction de circuler. Voilà, donc c'est. Voilà, donc des Marocains qui viennent en Corse, ils vont à la plage, puis devant la plage, ils mettent interdiction de circuler. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou de la folie. Mais voilà, il faut pas être tranquille pour faire ça en Corse. Hein. Non, non, c'est. Ouais, enfin oui, c'est sûr que faire ça en Corse, bon, enfin. Le truc, c'est que les mecs, ils sont confiants. Ils voient que toute l'Europe est en train de céder à la pression migratoire, au chantage victimaire, à tout en fait ce que ces gens-là réclament quelque part. Et le truc, c'est que cette situation, elle ne veut dire qu'une seule chose. Nous sommes chez vous, on vous emmerde et allez vous faire foutre. Et en fait, dans l'histoire, c'est pas la première fois qu'il se passe ce genre de choses. Je vais faire une petite digression historique, mais à l'époque où l'Empire byzantin, en fait, était en guerre civile permanente pour des questions successorales entre les différentes familles d'empereurs et compagnie. Il y a certains empereurs qui ont eu la très mauvaise idée d'employer les Turcs seldjouks en tant que garnison impériale. Il faut savoir que les Turcs seldjouks sont des gens qui viennent donc du Moyen-Orient, de l'Asie centrale là-bas, et qui se sont notamment, à cause de leurs attaques incessantes sur les pèlerins qui allaient à Jérusalem, qui a eu la première croisade, entre autres. Donc, il s'est passé quoi? À force d'avoir des garnisons impériales composées de Turcs seldjoukides dans les villes d'Anatolie, par exemple, ben à un moment, les Turcs, ils ont dit aux empereurs qui leur demandaient de combattre pour eux, ils leur ont dit, attends, gros, c'est chez nous maintenant, hein. Autant on obéissait quand on était 5 ou 10%, mais là, gros, on est 50%, hein, et maintenant, vous allez vous faire voir. En fait, on est exactement dans le même cas de figure, mais les gens ne le savent pas encore. Oui, c'est très, très, très bien observé. Pour revenir sur l'événement en lui-même, il y a des vidéos assez courtes qui ont circulé, mais qu'on a pu, qu'on a, enfin, qui ont quand même bien décrit les événements, où on voit en fait les. C'est assez comique d'ailleurs. On voit les Maghrébins très sûrs d'eux qui sortent des barres de fer, des harpons, parce qu'ils ont tiré au harpon hein, sur la population Alors, locale, hein, qui est. avec une belle, de belles têtes, quoi. Ils ont vu qu'ils avaient l'air apeurés, hein. Oui, alors donc là, effectivement, donc des citoyens musulmans français bien intégrés qui pratiquent leur religion dans la paix et l'harmonie. Hein. Donc Voilà. des gens, voilà. Alors donc, et on voit les images, hein, donc ces types sortent ça de leur coffre, etc. Ils s'apprêtent à agresser la population, je crois, des mineurs, des enfants. Il y a les Corses du secteur qui disent pas les enfants ou quelque chose de cet ordre. Alors, ils ont reçu une correction entre-temps. Il y a le SAMU qui est arrivé, enfin je sais pas si c'est le SAMU ou les pompiers qui sont venus prendre en charge les blessés, donc les Marocains qui se sont fait amocher par la population locale. Et ils étaient encore sur le brancard que la population continue à leur foutre des coups de poing dans la gueule, quoi. J'ai trouvé ça particulièrement brillant et je me suis dit, mais faut-il être complètement fou pour apporter des soins à cette vermine, quoi. Je sais pas Non, si vous mais avez vu il est temps que ces les images, têtes de mort flottent de nouveau au-dessus de la mais... Oui, Corse. sur des pics, exactement. Alors. Comment dire? Bon, alors c'est fait. Je pense que la plupart des gens les connaissent. Ça a été bien médiatisé. Il y a eu des réactions, puisque la population corse qui est très communautaire. Enfin, il y a une solidarité naturelle. C'est une île avec une. Enfin, tout le monde se connaît en Corse, quoi. Toutes les familles se connaissent, etc. Donc il y a une réaction. Ouais, une réaction clanique, une réaction de famille assez nette. Et donc ils sont tous allés. Comment dirais-je, dans le quartier maghrébin de Bastia qui s'appelle, je crois, le quartier de Loupino, je crois. Hein. Si quelqu'un me corrigera si je me trompe. Enfin, en tout cas, dans le quartier des Maghrébins, des musulmans de Bastia, et ils voulaient en lyncher. Et une nouvelle fois, bon, évidemment, un cordon de gendarmes pour protéger, bah, pour protéger nos, hein, nos chers musulmans, hein, nos chères têtes crépues. Vous avez suivi ça, cette violente altercation au pied de ce quartier? Non, moi je n'ai pas vu l'altercation. Moi j'ai juste vu une réaction assez significative de quelqu'un pourra dire le nom. Je ne me rappelle plus de ce postulant à Star Academy. Est-ce que quelqu'un a le nom là? Parce que Bah, c'est très. j'ai vu un jeune réagir sur Facebook qui a fait une vidéo qui a fait 1 million de vues ou 1,5 million, je sais Je crois plus. que c'est lui. C'est lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer les candidats à la Starac français et les candidats à la Starac corse. Le type, ça a pas fait, il n'a pas tourné cette fois sa langue dans sa bouche. Hein. Il a pris sa webcam et il a clairement menacé de mort les musulmans, quoi. Il a dit, on va tous vous défoncer, on va tous vous exécuter si vous continuez. Alors là, moi, ce qui va être intéressant, ça va être de voir les réactions et ce qui lui en coûte. J'espère évidemment qu'il lui en coûtera le moins possible. Évidemment, je le soutiens à fond, ce type, brave type hein, au demeurant. Mais ça sera intéressant de voir si les institutions françaises républicaines ont encore peur des Corses, parce que on sait qu'elles en avaient peur pendant, enfin, il y a encore quelques décennies. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. On va voir. Ça va être révélateur. Alors, il faut noter dans le traitement qu'il y a eu de la part du procureur, qu'il a tout de suite dit, je crois que c'était le lendemain, hein, il me semble, il a tout de suite dit qu'il s'agissait de familles maghrébines, hein, de Oui. maghrébins. Il a bien, voilà, c'était bien précisé. On n'en était pas à être dans le vague, quoi, hein. C'était clairement défini. C'est Ça très se. curieux d'ailleurs. Comment se Oui. fait-il qu'un procureur de la République, les valeurs de la République, comment c'est qu'il précise l'origine ethnique? C'est très curieux. Et non, Faudrait ça a savoir surtout pourquoi. parlé de communauté maghrébine et de communauté corse. Oui. Ils n'ont pas parlé d'individus, de groupes d'individus cette fois-ci. Voilà, ils ont quand même nommé la chose. Donc c'est vrai que c'est. Je pense, si c'était autre part qu'en Corse, je ne crois pas que ça aurait été le cas, ou en tout cas, ça aurait été le cas plus tard. Il aurait fallu leur tirer les vers du nez. Exactement. Ou Alors, utiliser le terme Kaïda aussi, ça c'est très intéressant. oui, effectivement, Ou oui, mais alors oui, c'est c'est beaucoup plus oui. pernicieux que ça, et en fait ils ont utilisé le terme de communauté maghrébine pour pour précisément ne pas mettre l'islam en jeu en fait, et pour rentrer dans le Mais aujourd'hui discours de c'est pas plus clair, c'est d'amalgame, pernicieux. etc. Ouais. C'est possible Bon, aussi. on verra, Aujourd'hui, tu vas loin. on a affaire à tout le contraire, c'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose que qui doit être caché, c'est le fait que ce soit en réalité la provenance communautaire des gens qui posent problème et non pas l'islam. L'islam, c'est qu'une façade d'une invasion migratoire, c'est qu'une des facettes, quoi. Mais t'as toute la violence urbaine, toute la violence quotidienne, qui avant, il y a 20 ans de ça, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, cette violence existait déjà avec la haine du gouer à l'époque, au lieu d'être la haine du koufar. C'est-à-dire que le gouer est devenu le koufar. Mais ce truc a toujours existé. Et les médias veulent absolument justement insister sur l'islam pour qu'en fait remplir un panier percé, c'est-à-dire continuer à importer des immigrés. Tout en nous faisant chier sur l'islam et en nous faisant croire qu'ils trouvent des solutions par rapport à l'islam, ce qui en fait consistera à remplir un panier percé. Alors, Exactement. je voulais enchaîner toujours sur ces violences interethniques hein, de Cisco, en sachant quand même que la Corse devient vraiment un foyer de tension. Bon, les nationalistes sont au pouvoir au niveau du Parlement régional, mais ça devient un foyer de tension récurrent par rapport à cette immigration musulmane. Vous vous rappelez des violences, je crois, à Ajaccio notamment, les menaces du FLNC hein, de représailles au cas où des salafistes voudraient mener des actions sur le territoire corse. Maintenant, ces derniers développements. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement médiatique? Parce qu'on a eu un traitement médiatique qui a été très particulier hein, sur ces événements. Hein, pendant quand même une bonne semaine, on a eu BFM TV à briller, je trouve, par une certaine orientation de sa vision des faits. Qu'est-ce que vous Alors, en avez dit? ouais, il faut noter qu'avant que le procureur ait fait sa conférence de presse pour signifier que les Maghrébins voulaient privatiser la plage, etc., etc., tu as eu un témoignage d'un musulman anonyme, hein, donc qui était, semble-t-il, sur place. Et qui a été relayé donc par tous les médias, toutes les grandes chaînes, donc dont BFM TV, surtout BFM TV et iTélé, indiquant que voilà, il s'agissait de familles paisibles qui venaient se baigner et qui ont été harcelées à plusieurs reprises par des horribles Corses qui venaient le couteau entre les dents, quoi, hein, grosso modo. Au début, Donc ça parlait bon. même de Burkini. Apparemment, au début, quand c'est le, comment dire, quand l'histoire est encore un peu vague, etc., le discours, c'était de dire, il y avait une famille maghrébine avec une des bonnes femmes en Burkini, et en fait, il y avait des horribles Corses ou des blancs persécuteurs qui les épiaient de loin et qui les regardaient, qui les prenaient en photo, etc. Alors qu'apparemment, c'était absolument pas le cas. Ah non, mais c'est pas Ils du ont tout le cas. hurlé la pudeur, dit ma Donc sœur. ils ont tenté au niveau médiatique au début de lier ça comment dire aux affaires de Burkini et de racisme anti-Burkini. Ah non, mais Ah non, ils mais... ont tout tenté. Moi, j'ai vu le traitement de BFM TV, c'était surréaliste. C'est-à-dire que oui, enfin c'était complètement fou quoi. D'abord au début ils ont dit texto, ils ont dit deux familles marocaines agressées par des Corses. Les raisons encore inconnues. Donc après les mecs ils vont te dire oui mais il y a une racialisation du discours. C'est eux qui posaient le truc en ces termes. Donc en fait quand ils présument que ça va être la faute pourra en incomber aux autochtones, on racialise. Hein, alors oui des Marocains. Hein, voilà. Et puis aussitôt derrière ah ben non mais alors là vous comprenez etc. Puis ensuite la conférence de presse. Alors là, en plus effectivement comme tu l'as dit Derrick, elle était pas piquée des hannetons comme dans cette conférence de presse. Tout d'un coup ça s'est dégonflé. Et vous l'avez remarqué, on est passé à autre chose. Hein. Hein circuler, il n'y a plus rien à voir. Merci, au revoir. Hein. C'est au revoir. Hein. Terminé. Ah ben là, ils ont tellement peu de substance que leur baratin, ils ne peuvent l'étayer sur. Ils n'ont rien, ils n'ont pas pied, quoi. Donc, oui, ils sont très très vite passés à autre chose parce que l'imposture allait éclater aux yeux de tout le monde. Enfin, j'espère qu'elle va éclater aux yeux de tous, d'ailleurs. Et cette corsophobie, pour ceux qui blâment tout sur toujours tout sur les sionistes, cette corsophobie vient pas des sionistes. Hein. Cette corsophobie là, de traiter les Corses de méchants racistes et tout, ça, c'est bien les petits Parisiens, parce que les sionistes, ils y ont tous une villa en Corse, donc ils n'ont pas intérêt à trop critiquer les Corses. Là, c'est vraiment les Jacobins, les petits Non mais Jacobins ça dépend parce que parisiens. sur la Corse, même en particulier sur les, enfin sur les entre guillemets nationalistes corses, ceux qui avaient été élus là au régional, apparemment il y a un peu de tout, c'est pas non plus, faut faire gaffe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement t'as pas mal de Corses qui ont une vraie conscience identitaire, mais c'est pas forcément à mettre sur le même plan que leurs opinions quant à leur rapport avec la République française. Et apparemment, il y avait aussi pas mal de, comment dire, d'ailleurs, ça s'était vu là quand il y a eu des émeutes au mois de décembre, là où. Au mois de janvier, suite à Yacho, suite au camion de pompe, enfin au pompier qui avait été pris en guet-apens, il y avait certains leaders entre guillemets nationalistes, je me souviens plus de leur nom, mais qui avaient condamné, qui en fait, eux sont farouchement anti-république française, hein, ce qui peut justifier, ça va de soi, mais qui en fait étaient des gros gauchistes et des gros marxistes culturels. Donc après, là-dessus, oui, il y a tout, je pense pas qu'il faille nécessairement mêler... Non mais il y a Simeoni d'ailleurs, lui il est autonomiste, Talamoni il est nationaliste, ceci étant dit, ils viennent de la gauche autonomiste, de la gauche nationaliste, avec un héritage anticolonialiste, tiers-mondiste et marxisant qui s'explique dans un contexte historique, et les types là en fait se prennent un gros retour de bâton d'Hurel dans les dents, et leur base, parce que la base de la jeunesse corse, attention, elle est ultra nationaliste et ils ne peuvent pas saquer les Maghrébins ni les musulmans et ils le savent. Talamoni n'est pas un imbécile, Simeoni n'est pas non plus un idiot et ils savent très bien que s'ils s'amusent à mettre trop d'eau dans leur vin, d'autres personnes sortiront du rang pour leur rappeler à leurs obligations. Donc ça c'est clair. Bon, écoutez, pour ces événements de Cisco, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons qu'on a quand même dans les grandes lignes. Retracer ce qui s'est passé. Enfin, une pause musicale et ensuite, deuxième partie d'émission. On se retrouve tout de suite, chers amis. Il avait belle apparence, il venait du Gabon. Il était venu en France sur ordre des patrons. Il s'endormait n'importe où, le sourire triomphant. Il demandait au Babtou de nourrir ses enfants. Et le soir, rassasié, content, il rêvait des petites blanches. En chantant qu'il est beau, qu'il est bien ton pays, Boana. C'est vraiment épatant d'habiter chez toi. Qu'il est beau, qu'il est bien ton pays, Boana. Je devrais faire venir Masmala. Mais il ne renouvela pas sa carte de séjour. Aussitôt on l'expulsa dans un vol au long cours. La police mit à ses trousses, le prit dans une église, et le voilà dans la brousse, malgré ses géniardises. Et le soir, le cœur tout palpitant, il occupait ses nuits blanches, en chantant qu'il est pauvre, qu'il est dur, mon pays Boana. C'est vraiment éprouvant, douler, Bamboula, qu'il est pauvre, qu'il est dur, mon pays Boana. Enfin, oui, on a tous le sida. Il attendit les bras ballants trois ou quatre saisons, mais un jour vinrent les blancs par-delà l'horizon. Ils l'installèrent dans leur terroir avec plein d'étrangers, tous ensemble blancs et noirs vont enfin se mélanger. Voilà enfin la fin de son calvaire, le pays des colons enfin, et d'hiver qu'il est beau, qu'il est bien ton pays Boana. C'est vraiment épatant d'habiter chez toi, qu'il est beau, qu'il est bien ton pays Boana. Je reste là et c'est le nirvana. Nous voilà revenus donc dans cet épisode numéro 9 de Démocratie Participative avec nos participants. Et nous allons aborder, bon, j'allais dire d'une façon relativement peu sportive, les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et on va commencer déjà avec un premier point. On va parler des performances, on va dire, sportives en tant que telles, quoi, au niveau, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé j'allais dire, au plan uniquement sportif, ce que vous avez pensé des démonstrations diverses, éventuellement de la sélection française. Voilà, vous avez carte blanche. Ah, alors oui, attention, hein, parce que sélection française et performance sportive, ça va pas forcément ensemble. Ce qu'on peut redire de la sélection française, c'est que ça chiale allègrement, quoi, hein, entre Renaud Lavillenie, là, il s'est fait siffler, il chiale. Il y en a d'autres, c'était, je crois, les tenniswomen. Elles avaient pas de. Il y avait une histoire de fringues. Putain, les gonzesses, une histoire de fringues. Voilà, elles n'étaient pas contentes, elles ont fait caca partout. Donc, voilà. Au niveau français, c'est ce qu'on peut retenir, en tout cas. Hein. Le pleurnichage. Morale de chips, quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment, exactement. Morale de chips. Ça n'a fait que pleurer. Quasiment tous les sports, le judo, la boxe, l'athlétisme, la perche, le basket, voilà, c'est pitoyable. En tout cas, la sélection française, c'est très cosmopolite, en tout cas, la sélection française. Parce que, juste un petit truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, maintenant, ce qu'on est en France, c'est pas spécifiquement français d'ailleurs, mais la France est très prononcée. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans les nations ou dans les peuples qui sont forts dans un domaine. On en achète, on fait ses courses, hein, on les radine en France, on leur file un passeport et ensuite on les envoie directement au JO ou au championnat du monde. Parce que j'ai vu dans la lutte un type qui venait vaguement du Caucase musulman qui était estampillé français. Au niveau du ping-pong, ben, j'ai vu une ching-chung machin truc qui avec sa raquette défendait les couleurs tricolores. En athlétisme, bon ben là c'est l'Afrique. Et c'est pas pour, alors, je sais pas pour vous, mais moi là cet après-midi j'ai allumé la télé. Et j'ai vu le taekwondo. Et là, j'ai vu deux noirs dans des kimonos blancs. Il y en avait un qui avait un plastron bleu et l'autre un plastron noir. Et quand j'ai regardé qui c'était, alors apparemment, il y avait un mec qui aurait été français et l'autre qui aurait été du Niger. Bah, laissez-moi vous dire un truc. Si c'est pas marqué sur leur kimono qui vient d'où, tu le sais pas. Parce que tu as deux noirs en kimono blanc et tu sais pas d'où ils viennent. Ah, ça, c'est vraiment effrayant, le à quel point les Noirs ont incrusté les sports, la lutte, le judo. Enfin, dans le judo, c'est dingue, entre la femme et Teddy Riner. Enfin, Teddy Riner, moi, j'en peux plus. Personnellement, moi, je vous le dis, je boycotte toute cette merde avec ces espèces d'Africains ultra arrogants qui n'ont aucune classe dans la, moi, je trouve, hein, alors après, c'est peut-être personnel, mais moi, je trouve qu'ils n'ont pas de classe dans la victoire. Ils n'ont pas ce truc d'humilité qu'ont les champions que moi j'admire, tu vois, les Mohamed Ali et tout, moi j'ai jamais pu les blairer. Donc ça c'est personnel. Moi il y a qu'une performance qui m'a beaucoup plu, c'est la performance du coureur Lemaître qui vient d'Aix-les-Bains en Savoie et qui a fait une médaille de bronze dans la course. Déjà ça m'a intéressé parce que il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un blanc qui s'incruste dans des sports exclusivement africains. Africano-africain, parce que ça c'est Delavier qui en parle, mais bon, il n'y a pas que lui, de toute façon le muscle africain est globalement plus explosif, une fibre plus explosive qui fait que dans les sprints, les blancs n'ont pas leur place. Or lui, c'est un blanc vraiment savoyard, quoi, hein, du coin, moi je vois à quoi ressemblent les savoyards, c'est, il n'y a pas de problème, je crois qu'il n'est pas si grand que ça, hein. J'ai pas ses mensurations devant moi, mais ça doit être 1m80, et le type médaille de bronze aux Jeux Olympiques, il avait déjà fait des performances incroyables auparavant, là on a affaire à quelque chose de réellement formidable et qui n'a pas du tout, enfin on nous parle beaucoup plus de ce gros Teddy Riner qui veut vraiment, pour le coup il domine sa discipline, c'est un véritable champion, mais bon, il y en a vraiment marre, quoi. Excuse-moi, moi j'ai regardé sa performance en judo, excuse-moi, c'était minable, hein. Ça, moi je dis pas que le mec a pas de niveau, etc., je crois qu'on a expliqué ça, mais quand tu regardes les mecs, c'est une victoire technique au point, déni de combat, hein. Alors certains ont dit que son opposant japonais refusait le combat. Je suis pas sûr qu'on ait vu exactement la même confrontation. Le japonais et les japonais en général sont très, tu parlais d'unité là pour le coup, ils sont très, enfin très humbles, tu vois, très très très modestes dans avant le combat, pendant le combat, après le combat. Riner, que du bruit, des vagues, le nègre, voilà. Et évidemment, bon, j'ose même pas imaginer les médias français. Donc dans la catégorie héros officiel, je pense que Riner, il est pas mal. Enfin bon, il prend sa médaille, tu vois, bon, mais effectivement, mais quand on prend en termes relatifs, quand tu parles de Lemaître, effectivement tu as raison de le dire, je veux dire c'est un petit blanc, c'est un petit européen, c'est un petit français, il s'incruse dans une catégorie effectivement qui est complètement dominée par les noirs, mais moi j'ai envie de dire, excusez-moi, le 100 mètres, c'est quoi comme sport ça, tu cours sur 100 mètres, c'est quoi ce truc? Y a, enfin, je veux dire, c'est niveau. C'est 200 mètres. Hein, non, mais d'accord, autant pour moi. Enfin, Bolt, il est sur le 200 mètres et le 100 mètres, et je crois aussi. J'ai oublié l'autre, la troisième discipline, mais je veux dire qu'on est sur le 100 mètres, le 200 mètres, c'est le niveau zéro du sport. Enfin, je veux dire, tu cours tout droit pendant 200 mètres, quoi. Mais c'est parce que tu as une vision, tu as une appréhension cérébrale du sport, mais en réalité, bah non, moi, laisse-moi juste finir, mais j'y vois quand même une manifestation, je vais pas dire de l'esprit parce que ça parlera pas, mais je vais dire de la nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de savoir qu'il y a un homme qui est capable de courir 100 mètres en 9 secondes, bah, il peut venir de n'importe où, c'est quand même c'est l'homme qui court le plus vite au monde, quoi. C'est comme l'homme qui soulève le plus au monde. C'est ouais, mais attends, attention, il faut recontextualiser le truc. C'est-à-dire que tu cours un dixième de plus que machin ça, dans la nature, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout, parce que les mecs se bouffent à des dixièmes. Donc en fait, c'est zéro. Alors que les vrais sports qui sont vraiment. Je veux dire, qui sont vraiment révélateurs de quelque chose, c'est les sports où tu vas mobiliser ton intelligence, notamment les sports collectifs, où tu vas à la fois utiliser ta force, ton endurance, ton intelligence, tout ça couplé. Ça, c'est révélateur. Courir dans un couloir pendant 100 mètres, excuse-moi, moi je trouve que c'est le niveau zéro du sport. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais le sprint, c'est une discipline qui demande un travail énorme. Parce que justement, ce dixième ou ce centième, tu l'arraches au prix de centaines de milliers d'heures de travail, de répétition. Il y a véritablement, en fait, moi j'ai fait un peu d'athlé, et je te promets que les séances de foncier pour l'athlé, ou les séances même de sprint, les répétitions, quand tu finis à vomir tellement tu t'es repoussé, c'est ça, quoi. Je veux dire, le sprint, c'est ces disciplines-là qui sont hyper intenses, c'est aller toujours, c'est la devise, en fait, des Jeux Olympiques, c'est plus loin, plus haut, plus fort, quoi. Bah, qu'est-ce qui vous impressionne le plus au plan humain, un marathon ou un marathon? Alors moi perso, c'est les décathloniens, quoi, c'est-à-dire ceux qui font quasiment tous les sports. Et là effectivement les mecs là qui sont champions là-dedans, là je retire mon chapeau. Tout ça c'est pure polémique. Si on se penchait plutôt sur les à côté un peu négatifs de ces Jeux Olympiques, comme l'histoire de l'équipe de natation américaine là, qui prétend avoir été enlevé, rançonné, qui a payé 400 $, etc. Vous connaissez sans doute l'histoire. J'ai pas entendu ça. Ah ben voilà. Là, ça nous fait. C'est une très bonne transition, Fulbert. On t'en remercie parce que effectivement, il y a quand même quelque chose à dire maintenant qu'on a parlé. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les performances sportives, ouais, personnellement, il peut le faire. Mais il y a effectivement. Pour vite. Attendez, pour vite. Non, je trouve un peu que le point de vue de Gandalf est un petit peu racialocentré. C'est vrai que moi aussi, j'ai plus de sympathie pour le marathonien, mais du point de vue du nègre, le 100 mètres, pour échapper à la police, ça fait sens. je te l'accorde. Et tous les nègres sont pas les mêmes. Hein. Ça, c'est les mecs de l'Ouest qui courent vite, parce que les mecs de l'Est, eux, justement, c'est le steeple, c'est le 5000 et tout, quoi. Non, attendez, c'est les nègres entraînés par des blancs qui courent vite et surdopés. Hein. Ouais, non, mais c'est les Éthiopiens, les Kenyans qui cavalent dans les montagnes, quoi. Non, mais là, on revient au milieu et c'est très intéressant. Ça, exactement. Ça. Alors, Fulbert, tu voulais parler donc de cette histoire. Moi, je la connais pas bien. J'ai vaguement entendu des rumeurs. Tu voulais nous en dire plus? Oh, je peux résumer la chose. Hein. Bon, c'est l'équipe. Je ne sais plus quelle équipe, mais c'est probablement une équipe de relais natation, 4x100 mètres ou quelque chose comme ça. Qui est sorti dans le domaine civil, enfin en dehors des jeux, et qui a prétendu après avoir été enlevé et rançonné de $400, vu qu'il y a une grande insécurité au Brésil, comme vous le savez très probablement. Ah bon? Ah ben oui. Et cette équipe, après enquête, il y a eu un problème parce qu'il y a eu une plainte du côté brésilien. Et cette plainte a montré que, après enquête, dépouillement des caméras locales, etc., que les types, en fait, sont sortis ont fait le plein de leur voiture, donc dans une station d'essence, et sont allés aux toilettes, ont commencé à dévisiter à moitié bourré, ont commencé à casser tout dans les toilettes, à tel point que les vigiles sont intervenus, parce que, effectivement, au Brésil, apparemment, dans tout ce qui est un petit peu établi, il faut les vigiles, sinon ça ne tient pas le coup. Et finalement, les types ont payé une cinquantaine de dollars et pour les laisser partir. Ils sont rentrés, et puis la suite a éclairci toute l'histoire. Bref, les gars avaient raconté des blagues, voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que Magda veut nous en dire plus sur la criminalité au Brésil et enfin, il n'y a pas que la criminalité, parce que ces JO, là, on nageait littéralement dans la merde. Ah oui, bah, bien sûr. Alors effectivement, c'est la fameuse baie du Brésil qui est un cloque à ciel ouvert. Donc, c'est-à-dire que tu as des centaines de tonnes de détritus qui s'y déversent quotidiennement. En fait, je crois que c'est 65% des déchets de la ville de Rio de Janeiro qui se déversent dans le bassin, qui est en fait un bassin assez peu profond. Il doit faire à peu près 3 mètres de profondeur en moyenne. C'est le fameux bassin qui entoure le pain de sucre, si vous voulez. Donc c'est là où on voit les gonzesses siliconées et les nègres qui se baignent. Dans la merde. Dans le caca, voilà, exactement. Donc en fait, apparemment, le CIO aurait un petit peu triché sur les analyses. Et il y a un article du Guardian qui relève une enquête, hein, qui vient d'Associated Press, et qui indique que les eaux de la baie sont d'une qualité déplorable, qu'une simple baignade peut te rendre malade, donc des fièvres, diarrhées, vomissements, vraiment du caca. Il y a eu des cas comme ça de spiff qui sont tombés malades. Eh ben écoute, je ne crois pas encore, mais t'as quand même les coachs et les médecins sportifs qui indiquent aux nageurs en eau libre de ne surtout pas avaler la flotte, hein, parce que c'est toxique. C'est pas oui, douce, quoi. Vous savez, dans les concours de vitesse de petits navires à voile, monoplace, il y a eu une athlète belge qui était malade pour avoir avalé de l'eau, effectivement. Enfin, avoir avalé de la merde, tu veux dire. Voilà, c'est ça. De la merde de nègre, par ailleurs. De toute façon, cette baie-là, cette eau pleine de merde, elle n'est qu'à l'image de ce pays. Parce que là, moi, je vais déniaiser quelques-uns de nos auditeurs qui sûrement ne connaissent pas la situation réelle du Brésil. Parce que le Brésil, depuis 30 ans, les élites mondialistes en ont fait un espèce de pays idéalisé puisque c'est le pays métis par excellence. Donc les métissolâtres en ont fait, si tu veux, un pays de... En gros, c'est des bêtes de cirque avec un grand sourire, très avenant. Tu leur lances une petite canette, ils te font mille jongles comme des otaries et puis ils te font un petit bisou après. Et puis si t'es une blondasse, ils peuvent t'en mettre un petit coup en même temps. Donc ça, c'est le Brésil tel qu'on nous le vend, la samba, la fête, la piña colada. Le Brésil, ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout ça. C'est le pays, sûrement le. Moi, je distingue deux types d'humanité. C'est ceux qui idolâtrent le Brésil et ceux qui ne veulent jamais y foutre les pieds. Le Brésil, c'est le pays de la drogue. C'est le pays de la surcriminalité. C'est le pays des métis, drogués, surcriminels, armés jusqu'aux dents. Et puis de la drogue, faut voir quelle drogue. C'est la pasta là-bas. C'est-à-dire la pasta, c'est ce que les gens qui fabriquent la cocaïne extraient comme déchets, en fait. Et ils vendent ça dans les pays d'Amérique du Sud très pauvres. Et ils vendent ça dans des quartiers avec des mecs complètement drogués. C'est aussi le pays des femmes qui se mettent du béton dans les fesses pour avoir des gros culs, du twerk. Des mecs qui se foutent du synthol, une espèce de matière siliconée dans les muscles pour faire semblant d'avoir des faux muscles. C'est un pays où on peut le prendre sous tous ses aspects, à tous les niveaux. C'est un pays qui vraiment pue la merde. N'y foutez pas les pieds, ne vous laissez pas avoir. Vous risquez votre peau en allant au Brésil. Il faut savoir que les élites là-bas, les élites qui se situent à partir du métis, parce que c'est un pays tellement avec tellement de castes raciales qu'à partir du métis, tu commences à être dans la haute. Donc le métis, celui qui a un parent blanc, un parent noir. Et puis alors les blancs, eux, ils voyagent tous en hélicoptère. Sur Rio de Janeiro, ils ont tous leur base à hélico. Et les taxis, il y a des taxis hélico, en fait, comme il y a des câbles chez nous, des petits taxis chez nous. Eux, c'est des hélicos. Et ils ne connaissent plus la ville, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec les gens locaux là-bas qui sont... tous des fous surarmés, surdrogués, et pourquoi, très, très, très dangereux. Là, le pays du GHB aussi également, le pays où les hommes foutent des pilules de drogue, la drogue du violeur, dans les vers des gonzesses, les petites milf cougars de 40 ans qui vont au Brésil parce qu'elles viennent de divorcer avec leur bon mari qui leur a offert deux beaux enfants. Et ben elles vont au Brésil, puis là elles se prennent la petite pilule de GHB et le lendemain elles se réveillent avec le cul en chou-fleur sur une plage anonyme. Il faut envoyer les signaux de fumée pour que les secours arrivent. Voilà la situation au Brésil. Faites attention, même amis gauchistes, faites attention. C'est pas pour me contredire qu'il faut vous payer un billet au Brésil, vous risquez de le payer cher. Tu parles des riches qui se déplacent en hélico. Il faut dire pourquoi. C'est parce que là-bas, tu te balades dans la rue, dans le mauvais quartier, ou en situation limitrophe du mauvais quartier, tu te fais prendre en otage pour une rançon. Donc les mecs sont obligés de se déplacer en hélico pour pas se faire prendre en otage. Il y a des milliers de personnes qui sont retenues en otage dans ce putain de pays, pour des histoires de... Ça rappelle un peu Caracas, hein, au Venezuela. C'est ça. C'est le racket généralisé, la violence généralisée. Mais à la différence de Caracas, puisque Caracas, le métis est arrivé à la tête de l'État, puisque Chavez est le métis par excellence, un tiers rouge, un tiers noir, un tiers blanc. Donc, comme je le disais, là-bas, en plus, les métis tiennent le haut du pavé. Donc, il n'y a même pas cette espèce de hiérarchie, il n'y a pas ces hélicoptères pour se trimballer. Donc, en gros, là-bas, tu es un Européen. À Caracas, ta vie est en danger systématiquement. Tandis qu'à Rio, ils ont commencé à se trouver, à se créer un monde parallèle, en réalité. Un espace vital, en tout cas. Un Lebensraum. Un Lebensraum, c'est un autre problème. Bon, on va passer à la cinquième rubrique et dernière de cette émission, qui va être un peu le débat de la semaine, hein. La personnalité préférée des Français. Alors, vous avez suivi ça, j'en suis convaincu. En préalable, faut savoir que cette fameuse élection a lieu deux fois par an, hein, c'est tous les semestres, tous les six mois. Et cette année, pour le mois d'août, donc de janvier à août, c'est Omar Sy qui a été élu personnalité favori des Français. Juste comme ça, d'abord, est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que ça vous a tapé à l'œil, ça? Personnellement, j'ai pas voté, hein, donc évidemment. On va y venir là-dessus. Bon, écoute, c'est dans la droite lignée de Yannick Noah, qui est personnalité préférée des Français depuis je ne sais pas combien d'années, sachant que Yannick Noah... On va être précis, effectivement, ça vaut le coup pour le coup. Je te redonne la parole, bien sûr. Hein. Simplement, comme tu le soulignes très justement, ça vaut quand même la peine de le relever. Donc c'est un concours de popularité, en fait, hein, qui a lieu depuis février 1988, et de 88... à 93, tous les semestres, c'était le commandant Cousteau, hein, que tout le monde connaît, qui a gagné. Et il a eu comme seul véritable opposant jusqu'en 2003 l'abbé Pierre, avec entre-temps un peu David Douillet, mais c'est presque pratiquement insignifiant. Donc en fait, pendant une quinzaine d'années, on a eu entre l'abbé Pierre et Cousteau une espèce d'aller-retour. Bon, je veux dire, un prêtre un petit peu idéalisé, et de l'autre côté un explorateur, un scientifique. Bon, ça tenait assez la route. Et puis on sent un virage qui commence à partir de 2003, où on passe à Zidane. Donc là, c'est le sport spectacle, le football, le maghrébin qui réussit. Ceci étant dit, moi, je vais pas enlever à Zidane son talent, il a un talent, bon, voilà, c'est un fait, mais on change de catégorie de personne. Et ça dure jusqu'en 2007, et comme tu l'as pointé du doigt, entre 2007 et 2012, l'élection de François Hollande, Yannick Noah, alors là, sans aucune opposition, hein, Yannick Noah, voilà, le héros absolu. Et puis alors, soudainement, à partir de 2013, puis curieusement, à partir de l'affaire Mera, Jean-Jacques Goldman devient la personnalité préférée des Français. Allez savoir pourquoi. Est-ce que vous avez... je reviens vers toi, Hoffman, hein, Captain. Je te donne la parole, hein, sur ce que tu voulais dire par rapport à Noah. Ouais, alors effectivement, tu parles du commandant Cousteau et de l'abbé Pierre. Alors moi, ce qui me frappe, et c'est ce que je voulais dire sur Noah, c'est que c'est quand même un mec qui habite à l'étranger, qui a des problèmes avec le fisc, qui nous chie à la gueule, qui se permet de nous donner des leçons Et là, on a juste envie de dire, et Omar Sy, c'est pareil, en fait. Omar Sy, c'est le même genre de merdier, quoi. Il est dans des films de propagande absolument indigeste. Il vit aux États-Unis. Et t'as envie de dire, on passe du commandant Cousteau, qui est quelqu'un qui est non seulement un scientifique, mais également quelqu'un qui a vulgarisé la science et qui a donné à des générations de petits Français, mais également d'autres Européens, puisque c'est, bien sûr ces émissions étaient dans notre langue, l'envie de découvrir l'environnement, de découvrir bon, la mer, bien sûr, et même de le protéger, et d'une façon véritablement. Enfin, Poétique, c'est assez poétique hein, ce qu'il faisait Cousteau. Et voilà ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y avait de la magie là-dedans. Moi, je me rappelle encore, enfin, quand j'étais gamin, j'avais les cassettes des émissions du commandant Cousteau, quoi. Et c'est quelque chose que j'aimais regarder autant qu'un dessin animé. C'était véritablement passionnant. Et puis, il y avait pas ce côté télévisuel de Nicolas Hulot, par exemple. Nicolas Hulot, on sent que c'est l'écologiste de salon, quoi. Ouais, on attire le chaland, quoi. Voilà, commandant Cousteau, Qui veut c'est le choisir dans mec, son froc. il est sur le terrain. Il s'occupe de tout, il plonge, il a sa famille et machin et tout, il a les deux pieds dedans et il t'emmène avec lui quoi. Et c'était magique. Et on avait après l'abbé Pierre, bien sûr. Et en fait voilà, on passe en fait de parce qu'il faut savoir aussi que les personnalités préférées c'est un échantillon. Il y a des noms qui sont déjà donnés. Et parmi Oui, ce panel, on y vient, on va en parler de la méthodologie, effectivement. d'accord. Parce que parmi ce panel de noms, bon ben voilà, à l'époque, on avait l'abbé Pierre, commandant Cousteau et compagnie. Donc non seulement on passe de gens qui avaient vraiment un impact positif sur la société, parce que l'abbé Pierre, c'est quand même bon, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, patati patata, commandant Cousteau vient d'en parler, on passe de ces personnalités européennes qui ont un impact positif sur la société à Zidane. Moi, Zidane, je ne le supporte pas. C'est peut-être un très bon joueur. Mais c'est quelqu'un qui, au niveau de l'exemple qu'il a donné aux jeunes, le coup de boule et compagnie, c'est juste, c'est intolérable de voir ça dans un stade. Et encore pire, on passe ensuite à Noah et Omar Sy. Et en fait, c'est les changements dans ce panel qu'on a offert aux gens, bah ça reflète aussi, bien sûr, bah, toute cette volonté. Enfin, ça accompagne le remplacement de population, la propagande permanente dans ce genre-là, machin et compagnie, quoi. On va revenir sur la personnalité d'Omar Sy. Donc, si vous avez quelque chose à dire justement sur cette évolution ou simplement cette involution de ce classement qui reste arbitraire, puisque bon là je vais parler de la méthodologie et je te donne la parole à Astérix ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Simplement pour dire qu'il y a un côté arbitraire, c'est-à-dire que c'est 50 personnalités françaises qui sont présélectionnées. La personne qui est sondée, c'est-à-dire donc les gens qui sont interrogés par téléphone. Doit répondre à cette question, je vous la donne. Quels sont parmi les suivants ou suivantes les 10 Français qui comptent le plus pour vous aujourd'hui et que vous trouvez les plus sympathiques? Donc, c'est lesquels comptent le plus pour vous, ce qui est extrêmement subjectif bien évidemment, et le plus sympathique, est-ce que c'est seulement un critère pertinent? Évidemment pas. Mais malgré tout, malgré cette question qui a été posée au fil des années, bon, on avait quand même eu des choses qui étaient assez pertinentes, comme on a dit, qui est un scientifique et un vulgarisateur, en plus d'être enfin quelqu'un d'éminemment sympathique. L'abbé Pierre, moi j'aurais plus de choses à dire, mais bon, c'est un autre domaine, ça reste dans l'imagerie populaire quelque chose d'assez bénéfique, comme tu l'as bien dit, Captain. Et ensuite, il y a Zidane, etc. Donc, mais c'est une méthode, qui repose sur une présélection. Alors la question, c'est qui présélectionne? Qui fait la liste? Mais effectivement, la liste, moi je pense savoir à peu près qui l'a fait. Ça doit être SOS Racisme et toute cette bande de malfaisants. Donc en gros, ils nous mettent une vingtaine de Noirs, une quinzaine d'Arabes et puis une quinzaine de Juifs, quoi. Et là-dedans, on doit faire notre choix. Donc, évidemment, faut bien penser qu'au-delà de 18 ans, ils sélectionnent tous les votes. Donc, ils vont appeler les étudiants qui viennent d'aller voir Intouchables au cinéma ou qui viennent d'aller voir un concert de Yannick Noah. Bon, bah, je sais pas si des gens vont encore au concert de Yannick Noah, mais bref, ces mecs-là vont voter pour ces gens-là puisqu'ils n'ont aucune conscience politique, ils sont concernés absolument par rien, ils sont nihilistes au dernier degré. Donc, dans les 10 premiers, quand on te donne une liste de 50 pourritures et qu'on t'en demande d'en citer 10, moi, ça ne m'étonne pas qu'Omar Sy se retrouve cité dans les 10 systématiquement. Parce qu'Omar Sy, parce qu'il y a le critère sympathique. Par rapport à toutes les pourritures qu'ils doivent présenter à côté, c'est logique qu'il soit dans les 10 meilleurs. Oui, alors, bah, il y a le critère de sympathie. À mon avis, dans le classement, tu as deux choses. Tu as d'une part donc, ouais, la reconnaissance, c'est-à-dire les gens, les noms qu'on connaît, tu vois, à force. Par exemple, tu as Simone Veil, tu vois, elle est là tout le temps, quoi. Toujours en 2 ou en 3 depuis des années. Crevure. Ouais, bon, voilà. Là, tu sens les gonzesses 68 ans, tu vois, qui c'est pareil. Pour les véroles de 60 balais, ouais. Voilà, exactement. Donc, tu vois, Simone Veil. Et le reste, ouais, je suis en train de regarder la liste de cette année. Je pense que le français moyen, ouais, il n'en connaît pas la moitié, quoi. Tu vas demander à M. Dupont qui sait M. Pokora, il va rien te dire. Mais il va être obligé de le mettre en classement à un moment donné. Ouais, enfin, voilà, statistiquement, c'est évident, quoi. Ouais. Ouais, il va t'en mettre 10. Donc, ouais, chez les jeunes, tu vas avoir certains noms qui vont ressortir, chez les autres aussi. Et puis, tu as l'écho par rapport à, ben oui. La représentation médiatique. Omar Sy, chaque film qui sort avec lui dedans, c'est des reportages sur toutes les chaînes, invités aux journaux télé, les chaînes info en boucle, voilà. Donc c'est pas on va revenir. On va revenir sur cette personnalité. Vous allez en parler. Qui est le fameux lauréat Omar Sy, originaire de Trappe, hein, donc un trou africain, hein, là c'est carrément le tiers-monde, en banlieue parisienne, né en 1978, c'est le fils d'un Sénégalais, d'ailleurs d'origine peul, hein, pour l'anecdote, et d'une Mauritanienne. C'est un ami de Jamel Debbouze et de Nicolas Anelka, qui viennent exactement de la même commune. Alors les trois sont mariés à des blanches. Comment dirais-je? Anelka est mariée à une Italo-Belge, Fulbert, si tu me regardes, à Barbara Tosia, si vous ne connaissez pas. Bon, évidemment Debbouze avec Mélanie Thoriot. Et alors, en ce qui concerne Omar Sy, une certaine Hélène Sy. Alors Hélène Sy, je ne sais pas pourquoi, elle a l'air de venir du monde du un Levant. Un petit peu oriental, hein, n'est-ce pas? La pauvre. La pauvre, si tel est le cas, elle ne pourra sûrement pas faire son alia, parce qu'il a beau avoir les millions, Omar Sy, je sais pas. Je pense pas qu'il soit Netanyahu approved. Ah ouais. Bah, si la maman est juive, les enfants ne sont pas juifs, même s'il n'y a pas d'aigle. Si, si. Ouais, mais non, mais même là, franchement, les mecs. En même temps, ils ont pris des falachas. Hein. Quand t'as pris des falachas, tu prends un peu. Bah, ils les ont pris, et puis bon, ils les ont foutu dans un coin, en leur disant de pas trop faire de bruit. Donc, bon, en même temps. Ouais, il savent gérer la chose. Hein. C'est pas faux. Alors, Omar Sy s'est fait connaître pour des films, c'est curieusement, réalisé par un certain Nakash. Vous connaissez ce réalisateur, Nakash? Nakash et Toledano. Toledano, voilà. Qui, comme cela ne l'indique, il ne vient pas de Tolède. Hein, voilà. Enfin, il venait. Puis ensuite, il est parti. Ouais, bah, et... il est venu, il est passé par là. Hein. En tout cas, ses ancêtres sont passés par là. Comme un hôtel. Quoi. Voilà. Attends. Parce que... Donc, il a participé au film Intouchable, qui est l'histoire, en fait, d'un aide de maison noire qui vient, qui assiste un handicapé blanc de 50 à 60 ans. Donc, en fait, c'est une espèce de, on va dire, espèce de parabole de la fin de la race blanche, je crois qu'on peut le dire. Et puis, Samba, un film de Nakash. Alors, sur Samba, j'ai quand même envie de vous en donner le petit pitch du film. Samba, sénégalais, en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots. Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leur destin se croise. Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et alors, la fameuse Alice est réalisée, incarnée au cinéma, à l'écran, par Charlotte Gainsbourg. Je trouve que c'était bien choisi. Ah bah, oui, voilà, donc voilà, les Français ne sont plus vraiment Français. Et même quand ils le sont, ils sont dépressifs. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour retrouver un peu d'énergie? Voilà, un sourire malin. Voilà, être éclairé par le sourire malien tous les matins, quel beau destin. Omar Sy, je te reprends, Gandalf, il s'est fait connaître, t'as raison de préciser qu'il a explosé avec ces deux films-là. intouchable et Samba, mais Omar Sy s'est fait connaître pour François le Français, qui était un PD avec un drapeau bleu-blanc-rouge autour du cou, quoi. En gros, on avait un grand peul d'1m95 qui s'amusait à dessiner, à ricaner sur le Français en l'imaginant comme une pédale, comme la dernière des pédales. C'est quelqu'un qui a été, bon, on va parler clairement, c'est quelqu'un qui a été mis en avant par des réalisateurs juifs parce qu'il crachait sur les Français et qu'il passait pour l'immigré qui symboliquement posait sa revanche postcoloniale aux Français. D'ailleurs, Omar Sy, hein, il a eu une ouverture, hein, sur le marché du film américain à Hollywood, hein, avec des producteurs. Ah tiens, comme Jean Dujardin. Mais voilà. Les producteurs, peut-être aussi, avaient certains points communs avec nos amis de Tolède et d'autres. Bah alors, attendez, parce que là, moi, je vais pas sombrer dans le complotisme, mais c'est un fait que Omar Sy, parce que après tout, pourquoi mettre Omar Sy en avant quand on sait que c'est complètement bidonné comme sélection? C'est qu'on veut envoyer un message. Quel message veut-on envoyer? Bon, évidemment, le message de l'intégration réussie d'un jeune immigré qui vient de banlieue, attrape, et qui, à force de talent, etc., s'insère dans la société, etc., mais sur certaines valeurs. Ces valeurs, il les a communiquées, puisque, là, j'ai aussi une coupure de presse. Interrogé par i24 News, l'acteur français emblématique, du service après-vente, vous vous rappelez de ça, hein, il avait un collègue qui a eu moins de succès de lui, ben, il est blanc aussi, il faut dire, c'est con. Je crois qu'il est blanc, en tout cas. Voici ce qu'il disait notre Omar Sy, justement, à I24, à propos, vous savez, de la montée du racisme, hein, et puis de l'antisémitisme. Je le vis en tant que Français très mal, il y a beaucoup de tristesse. Et là, ensuite, il enchaîne, dans l'association qu'on a avec Eric et Olivier, quand on a fait, donc Eric et Olivier, c'est les deux réalisateurs d'origine juive. Quand on fait des films comme Samba ou Intouchable, c'est l'idée de réunir les gens, même s'ils sont très différents. C'est d'ouvrir le dialogue, d'essayer de communiquer ensemble, essayer de se rencontrer, de faire connaissance. Donc le mec lui-même le dit, il dit que la démarche des films qu'il réalise comme Intouchable ou Samba, en fait, c'est de véhiculer un projet politique qui est animé par des mecs comme Toledano et Nakash, dont on a parlé. Et en fait, il en retire évidemment les fruits, quoi. C'est tout à fait évident. Et lui-même le dit dans sa très grande naïveté, quoi. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah oui, déjà, il le dit à I24 News. Hein, on n'a pas développé qu'est-ce qu'était I24 News. C'est la chaîne, chaîne d'info en continu de Monsieur Drahi. Chaîne d'info israélienne. Effectivement, oui. Donc, j'allais dire la boucle est bouclée. Et vas-y. Non, j'allais dire que si Kémy Séba pouvait seulement le déniaiser sur qui étaient les protagonistes principaux de l'esclavage. Non, attends, Omar Sy, c'est peut-être un nègre, mais il n'est pas con jusqu'à ce point-là. Tu ne crois pas qu'il n'a pas compris qu'il y avait des tenants? Non, mais il a compris qu'il y avait des tenants et des aboutissants. Il a compris que s'il jouait le Dieudonné, même 15 jours. Soudainement, tu vois, sa carrière à Hollywood, il pouvait se la foutre dans le cul quand même. Ouais, parce que voilà, il a compris que là, il pouvait avoir une femme blanche, du pognon. Peut-être voilà. Pas si blanche que ça, on en a parlé. Hein. Oui, excusez-moi. Alors, du coup, oui, alors bon, encore une fois, donc ce fameux concours popularité, etc. On voit où, en fait, le message qui nous est envoyé. Alors, bon, on va terminer là-dessus parce que j'avais quand même. Vous savez, on a tous ces petites faiblesses, ces petits péchés mignons. C'est un proche d'Anelka, c'est un proche de Debbouze, ils viennent de la même commune, Trappe, hein, Trappe. Dieu sait que ça produit des gens brillants, Trappe. Et alors c'est marrant parce que ces trois personnages qui nous cassent les pieds matin, midi et soir sur leur origine ethnique, et qui jouent le jeu d'ailleurs de la survalorisation de leur origine raciale, sont quand même tous des mecs en fait, qui se maquent en dehors de leur groupe racial. Ça, c'est un fait. Personne ne peut le nier. Ben, c'est très caractéristique des Noirs ou des Arabes, surtout des Noirs d'ailleurs, qui, quand ils ont du pognon, prennent des femmes blanches. J'ai vu une photo l'autre jour là, des femmes de footballeurs de l'équipe de France, donc les deux tiers sont noirs, hein, et toutes les femmes étaient blanches, bien entendu. Et puis blanche, bien blanche, quoi, des blondes. Et puis tu as les petits marmots métis qui galopent à côté. De la putain nègre, on peut le dire. Ouais, de la panne, hein, voilà. De la putain. Non, il faut le dire, ça fait bien. Putain nègre. Mais ouais, c'est assez terrible, quoi. C'est vrai que le seul sportif à peu près correct à ce niveau-là, c'était le footballeur ivoirien Drogba, Didier Drogba, qui lui, voilà, s'est marié avec une noire. Voilà, africain, raison sans plus. C'est extrêmement rare. Alors, Derek a vraiment raison d'établir une distinction entre le comportement des Maghrébins et le comportement des Noirs. Et ça montre deux types de modus operandi différents de conquête. Les Noirs conquièrent avec la bite, conquièrent par le métissage, par le, voilà, ils ont globalement conscience qu'un métis sera plus considéré comme un noir, et ils savent en gros que ils peuvent se hisser un petit peu au niveau du, alors je sais pas, je pense que c'est inconscient, ils n'en ont pas conscience, mais ils ont un espèce d'instinct qui les pousse à se hisser par la bite. Les Maghrébins, eux, c'est vrai, c'est frontal, c'est la guerre frontale. Après, il faut avoir conscience des deux, mais les deux sont très dangereux. C'est avec deux le types Maghrébin, de conquêtes différentes. Avec le maghrébin, il y a l'idée d'humiliation. C'est-à-dire que, d'ailleurs, regardez bien, ce sont des gens, vous voyez, qui vous expliquent matin, midi et soir que le blanc est une race maudite, en fait. On est des salauds, on est des ordures, on est des crapules, etc. Pourtant, c'est des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont, à la première opportunité, dès qu'ils ont du pognon, ils se trouvent une blanche. Qu'est-ce que ça traduit? C'est qu'en fait, les mecs, déjà, en réalité, quand ils sont entre eux, ils ont une très piètre opinion de leur propre femme. Pour commencer, et ils cherchent à quitter leur propre groupe racial, et ils l'avouent dans leurs actions. Pour eux, l'ascension sociale est d'abord et avant tout une ascension raciale. Donc pour, en fait, pour les Africains, qui... d'accord. Les Africains, oui, pour les non, les non, pour les non, pour les Maghrébins, c'est la même chose. Moins non, ça. Non. Les Maghrébins ont une conscience communautaire très forte, qui même si peut-être d'instinct ils se sentent inférieurs, ils ont une forme de jalousie, mais ils ont un très fort tribalisme, une très forte pression communautaire qui s'exerce autour de leur mariage et de leur choix de femmes, et c'est très difficile, oui, pour les mais à la base parce d'aller, que quand d'aller tu... chercher, alors ils vont pouvoir niquer des blondasses, mais ça sera ouais, leur cul, mais... c'est-à-dire ce sera ouais, pour les humilier. Je vois ce que tu veux dire, mais quand tu arrives à un certain haut niveau d'ascension raciale et sociale, tu remarques quoi? Que même les Maghrébins vont chercher de la blanche. Par contre, ce qu'ils vont demander, ce qu'ils vont imposer, c'est la conversion à l'islam de leur rejeton. Ça va advenir, ça. Mais t'as qu'à regarder avec Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il a pas épousé une Marocaine, une belle Marocaine, une belle Algérienne ou que sais-je. Il a pris une bonne Gauloise, notre ami Jamel Debbouze. Parce qu'il, et c'est un aveu. Donc ça, je voulais le souligner. Et puis, ce qui est très marrant, c'est qu'ils font fortune sur la haine raciale à l'égard de la race blanche, alors qu'en fait, ils la jalousent au point d'en crever. Dès qu'ils ont une, enfin, ils prospèrent au sein de la société européenne, de la société française. Dès à la première opportunité, ils se trouvent une femme blanche. Donc, en fait, toutes leurs actions intimes contredisent leur discours, et ils sont payés pour nous cracher à la gueule. Et par qui? Bon, on a donné quelques pistes. Mais n'empêche que ça traduit vraiment, j'allais dire, une escroquerie de A à Z. Ce concours l'incarne parfaitement. Quoi. C'est ce que j'avais juste envie de dire, mais bon, ça va mieux en le disant. Quoi. Oui, alors Yannick Noah qui est finalement le calque, quoi, de Marcy, sauf que lui, un petit peu mieux dans le sens où il avait performé dans le sport. Dans le sport, il n'y a pas de triche possible, enfin en dehors du dopage, mais dans le sport c'est la performance pure, donc il n'y a même pas de copinage ou d'ascension via SOS Racisme qui sont ouais, possibles. Non, mais disons, dans Noah, le cas de... qui avait trusté cette première place du podium pendant 5 ou 6 années d'affilée, c'était une imposture vraiment affligeante. Le type ne vit même pas en France, il ne paye pas ses impôts en France, il chie sur la France, son front n'est pas national. Enfin, on a bien compris que ce mec détestait vraiment les Blancs comme un neuneu des années 80, des SOS racistes, quoi. Il n'a pas évolué, il n'a rien compris, rien bité à rien. Non, mais... Et pourtant, les Français continuent regarde, à bien l'aimer. Non, mais regarde, enfin, bon, assez... Je pense que les Français ne l'aiment pas. Les Français ne peuvent pas le supporter, parce que comme tu le dis, de toute façon, la méthodologie du vote, depuis le départ, est biaisée. C'est de l'arnaque, c'est une immense escroquerie. Alors juste oui bon parce qu'il y a quand même une évolution sur les années. Avant tu vois surtout ces dernières années, tu avais Jean-Jacques Goldman d'une part, donc les Enfoirés qui avaient fait son truc. Tu avais donc Yannick Noah qui était donc assez indépendant de son côté. Et là on en arrive donc à Omar Sy qui lui bon c'est carrément juste c'est le jouet quoi, c'est la marionnette tu vois qui est là, il sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, même dans ce qu'il dit, tu vois, on a parlé qu'il a parlé, il a fait son interview avec 24. Mais qu'est-ce que. Voilà, quelles sont les prises de position entre que ça, autre que d'être le nègre qui rigole? Ben Oui, c'est ça, c'est le néant, quoi. c'est le nègre enfantin qui joue, à mon avis, consciemment le rôle de nègre enfantin. Et il se dit, ouais, mais au moins, comme ça, je vais donner une bonne image de ma race et ça va faire avancer les pions. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, tu dois trouver des excuses et je pense que c'est l'excuse qui se trouve. Mais on est quand même vraiment dans de la saloperie pure et dure. Et vraiment, bon, voilà. Mais c'est vrai que il y a, et vous pouvez, en fait, on dit qu'il y a une manipulation autour de cette élection, ça me semble évident. Mais si on regarde bien, il y a quand même un parallèle à faire avec nos présidents, avec au départ, comme le disait Hauptmann, Captain Cousteau, machin, à l'époque des présidents encore un peu cultivés, Mitterrand, Chirac, enfin Chirac avait aucune culture, mais on s'en fout, il avait une prestance, il faisait 1,95 m, il était capable de se bouffer un sanglier en 5 minutes, c'était quand même quelqu'un, quoi. Ensuite, on a eu Sarkozy, là, c'est tombé sur Goldman. Zizou, non Zizou c'était encore l'époque de Chirac, et d'ailleurs ça correspond parce que là moi je suis pas d'accord avec Hauptmann. Quand on aime le foot, Zidane il est au-delà des races quoi. Zidane c'est un monument du foot, le temps se suspendait quand il touchait Ouais, le mais ballon. attention, hein, c'est un monument du foot, mais on passe de l'explorateur ou du prêtre, on va dire, qui fait une vraie œuvre sociale, bon, même si ça a beaucoup bénéficié au tiers-monde, n'est-ce pas, au sport-spectacle. Donc, indépendamment des qualités du mec, on change complètement de catégorie sociale. C'est vrai. C'est vrai. Déjà, mais on voit quoi. C'est Chirac, c'est-à-dire déjà un petit peu plus, encore un petit peu plus mou et un petit peu plus inculte que Mitterrand. Et puis après, c'est Sarkozy. Alors là, c'est Goldman, Noah. C'est-à-dire, comme le disait Derrick, encore un petit peu d'indépendance des merdes intégrales, mais avec un minimum d'indépendance, un minimum de réussite personnelle. Et puis là, on arrive avec le parallèle de Hollande, c'est-à-dire le soumis total. Omar Sy, la marionnette, on voit les fils bouger quand il passe à l'écran, c'est vraiment le pantin total. Donc il y a un parallèle à faire avec nos présidents qui me pousse à dire qu'il n'y a peut-être même pas tant de manipulation que ça autour de ce vote. Ce sera le mot de la fin, chers amis. Bon, bah, la semaine prochaine pour une émission qui, je pense, sera encore assez riche en débat. À À la semaine bientôt, les amis. prochaine, les amis!